Gabriel Rufthiri, joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Suivez maintenant son micro-baladeur de notre rédaction où certains conducteurs de taxi-vélo en mairie de Bujumbura se lamentent effectivement qu'on leur fait payer beaucoup d'argent, parmi lesquels les frais de stationnement aux différents parkings de la capitale ainsi que les frais d'achat des gilets. Ils demandent à la mairie de sursoir à cette décision. L'argent que la mairie nous a demandé est difficile à percevoir actuellement aujourd'hui pour avoir de quoi manger. Tu peux aller prêter de l'argent à ton ami. Que la mairie attende de mettre en application cette décision. J'ai mal accueilli la décision, puisque je regarde la pauvreté qui se trouve dans les familles. C'est vraiment terrible. Il n'a pas encore plu. Aujourd'hui, les plantes sont frappées par la sécheresse. Vous entendez bien que cet argent est pour nous difficile à recevoir. Pour ce qui est des gilets, nous pouvons les acheter, mais le problème est que nous n'avons pas d'argent. Par exemple, l'argent que j'ai acheté sur le gilet a provoqué pendant quelques jours un manque de nourriture pour ma famille. Vraiment, nous avons acheté des gilets à 13 000. La mairie nous impose de payer 2 000 francs, ce qui est difficile pour nous. Si la mairie accepte de fréquenter les autres parkings, nous pouvons les payer. J'ai mal accueilli cette décision. Ils nous ont donné des gilets très fragiles qui se déchirent facilement. Je demande à l'État de revoir la décision de la mairie afin de diminuer les frais de stationnement, car nous les conducteurs de vélo, nous ne pouvons pas avoir cet argent puisque nous avons acheté ces gilets à un prix exorbitant. Ces propos ont été recueillis par Yves Ngonziman. Un arrêt de cours a été observé ce mardi au centre de formation professionnelle de Kigobe. Les élèves de cet établissement expliquent cet arrêt par la mauvaise organisation du programme de formation ainsi que le changement de statut de cette école. Cyril Bizimana, directeur de ce centre, ne nie pas le problème de qualification de certains enseignants et ajoute qu'ils font tout pour chercher des professionnels. Mais il regrette que ses élèves n'ont pas d'abord averti pour cet arrêt de cours. Les détails avec Alida Naïkez. Ces élèves indiquent que la raison majeure d'arrêter les cours est qu'à leurs inquiétudes liées à l'incompétence de certains enseignants, la direction de l'école n'a envisagé aucune solution à leur demande. Nous n'avons pas de formateurs professionnels. Même ce que nous avons, ça ne suffit pas. Nous avons beaucoup de conséquences à rapport avec la qualification de nos formateurs. Nous voulons ce qu'on étudie dans un nouveau système qui est le système professionnel. Ils ajoutent qu'une incompréhension réside sous le nouveau statut qui régit cet établissement. Comme le décret de son Excellence, le Président de la République a déjà prononcé, c'était l'école technique professionnelle de Kigobe. Mais on a changé aujourd'hui que centre de formation professionnelle de Kigobe. Cyril Widimana, directeur de ce centre, dit que les efforts ont été fournis pour remplacer certains formateurs inaptes. Probablement, moi, je suis suffisamment étonné parce que nous faisons des formations modérées. D'abord, j'ai recruté des vacataires étrangers. Il y a un qui vient de Kenya, il y a l'autre de Cameroun. Vous voyez que si j'amène même les spécialistes du genre, nous avons même des maîtres dans l'école secondaire. Vous voyez qu'à un certain moment, je vois que le point focal de ce mouvement, ce n'est pas le manque de formateurs comme il le disait. Ces apprenants donc ont peut-être une influence quelconque. Ces élèves font savoir qu'ils reprendront les cours que quand ils auront un entretien avec le ministre. Quant au directeur, il tranquillise ses apprenants que le changement de statut ne va en aucun cas influencer la valeur du diplôme. Merci Alida Ndaïkeza. Il s'observe un phénomène de mendicité pratiqué en majorité par des femmes au chef-lieu de la province de Kirundo. La cause principale étant la famine qui prévaut dans leur famille, explique-t-elle. Demandant une assistance, le conseiller principal du gouverneur de Kirundo, même s'il ne donne pas de chiffres, indique qu'il est difficile de parier à ce phénomène, devenu presque cyclique à l'annonce de la disette dans cette province. Placide Niomongre pour les détails.